Le bonheur est un peu mutin. Il se laisse goûter, jamais avaler. Tes sourires ne sont plus pour moi, mais les autres en apprécieront-ils l'éclat? Seront-ils blasés? Ils ne verront que des plaines, là où je devine des montagnes, des lacs émeraudes, de la neige éternelle, accrochée aux rochers, narguant l'insolence de l'été. La vie disparaît dans la brume, je n'ai jamais existé que derrière tes sourires. Le vent souffle mais ne libère rien,